colon et fils. Contrôle le bise, contrôle le bise. Eh ouais. Elle est loin la guerre froide, y'a plus du RSS. Mais la lutte des classes n'a pas changé d'adresse. Toujours les mêmes patrons, aux méthodes de macro. Qui pour calmer l'affront ont des techniques de pro. Ils ont le chômage pour eux et le sourire narquois. Clin d'œil à la Pasqua et un merci pas de quoi. Tu ressors de l'entrevue, la queue entre les jambes. Et une carotte de plus à mettre dans la légende. De ces rapports de force, de ces piquets de grève. De cette pitié pour braves qu'ils te vendent comme du rêve. Et les pires sont souvent aimables et souriants. Amis de employé, mais dites-moi jusqu'à quand. Tu restes bénéfice tant que tu engendres assez de bénéfices, sinon tu peux descendre. Colon et fils, contrôle le bise. Colon et fils, ce gars en temps de crise. Aucun scrupule pour les ramener à la raison. Les droits de l'homme, c'est pas le genre de la maison. Zone de libre-échange où les droits de la mule. L'artillerie lourde contre les mains nues. Exporte l'excédent des ressources céréales. Pour la culture locale, c'est la peine capitale. Ensuite vient le pavot, le folklore et la frame. Les petites mains bien rentables, l'enfant et la femme. Et la femme. L'entreprise familiale est-elle le meilleur rabatteur de la mère maquerelle? Mère, patrie, classe confidentielle. Les accords mercantiles niquent le potentiel. Regarde le ciel, abrite les rafales qui opèrent les piqûres de rappel. Matière première, défense immunitaire. Remercie le patron pour le droit des affaires. L'uniforme du colon engagé dans l'humanitaire. C'est la blouse du médecin et le treillis militaire. Derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque centime de ton entreprise. Colon et fils, contrôle le bis. Colon et fils, se gare en temps de crise. Derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque litige que l'on théâtralise. Colon et fils, contrôle le bis. Colon et fils, se gare en temps de crise. Ils ont la mémoire courte, nous aimons tant de bêtes. Ils marchent sur une poutre, tarissent la planète. C'est historique, depuis l'aube de l'humanité. Le délire est cyclique, tout le monde semble oublier. Les cerveaux sont faméliques, on est nourri par la télé. Les corps sont rachitiques, pressurisés par le stress. La compétitivité pour toucher des rêves étoiles. Façonnés loin de l'amour et du respect. Consommez, consumez vos dernières forces. Même si l'issue de la bataille est déjà jouée. Colon et fils, assure la pérennité de l'entreprise. Et je vais pas te cacher que ça fait des générations qu'on se fait barber. Qu'ils rient dans leur barbe à la face du monde. Ils se foutent de nous, colons et fils, c'est pas la famille Drummond. Une belle entreprise qui marche au rythme des bombes. Érigée sur des tombes, écoute le tonnerre gronde. La nature crie assez, mais les actionnaires fécondent. L'argent appelle l'argent, mais souris, n'entendent pas que la misère appelle la fronde. Derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque centime de ton entreprise. Colons et fils, contrôle le bise. Colons et fils, se gare en temps de crise. Derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque litige que l'on théâtralise. Colons et fils, contrôle le bise. Colons et fils, se gare en temps de crise. Derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque centime de ton entreprise. Colons et fils, contrôle le bise. Colons et fils, se gare en temps de crise. Derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque litige que l'on théâtralise. Colons et fils, contrôle le bise. Colons et fils, se gare en temps de crise. Colons et fils.